à fleur de peau, à fleur de toi. Tes mains glissent doucement sur ma peau. Ton souffle chaud murmure tout bas. Des caresses dessinées comme des mots. À fleur de toi, je me sens chez moi. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. Dans l'étreinte douce, on se noie. À fleur de nous, le bonheur est là. Ton regard doux, une mer d'amour. Et chaque baiser, une lueur d'espoir. À chaque touche, je sens le jour. À fleur de toi, plus jamais de noir. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. Dans l'étreinte douce, on se noie. À fleur de nous, le bonheur est là. Tes bras m'enlacent, un refuge tendre. Le monde dehors, on peut l'entendre. On peut l'attendre. À chaque étreinte, mon cœur s'épanouit. À fleur de toi, tout est infini. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. Dans l'étreinte douce, on se noie. À fleur de nous, le bonheur est là. Une lumière éclaire, chaque caresse, un rêve éphémère. Ton parfum, un souffle de printemps. À chaque geste, je me perds dedans. À fleur de toi, le temps est un amant. Le temps est un amant. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. Dans l'étreinte douce, on se noie. À fleur de nous, le bonheur est là. Tes mots doux, une douce mélodie. Chaque touche, une symphonie. À chaque murmure, je suis en vie. À fleur de toi, tout est magie. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. Dans l'étreinte douce, on se noie. À fleur de nous, le bonheur est là. Ton parfum, un souffle de printemps. Chaque étreinte, un bonheur constant. À chaque geste, je me perds dedans. À fleur de toi, le temps est un amant. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. Dans l'étreinte douce, on se noie. À fleur de nous, le bonheur est là. Ton amour, une étoile qui brille. Chaque caresse, une douce vrille. Chaque instant, je suis tranquille. À fleur de toi, tout devient facile. À fleur de peau, à fleur de toi, nos cœurs battent en harmonie, en émoi. dans l'étreinte douce, on se noie, à fleur de nous, le bonheur est là. Voilà. À fleur de nous, le temps est là, le temps est un amant. À fleur de nous, le bonheur est là.